Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, va effectuer une visite en République islamique de l'Iran. Sur l'invitation du gouvernement iranien, il va participer à la cérémonie de prise de fonction présidentielle.